Dossier 3. Livre page 35. Question A. Souhel invite ses amis chez lui pour passer l'après-midi. Souhel. Rana, quelles sont tes activités parascolaires? Rana. Moi, j'aime la musique et je joue de l'accordéon avec mon frère qui joue du piano. Souhel. Toi, Samir, quelle activité tu pratiques? Samir. Moi, personnellement, je passe beaucoup de temps à jouer sur mon portable, tablette ou ordinateur. Souhel. Et toi, Suzanne? Suzanne. Quant à moi, j'adore la lecture. Je lis au moins un livre chaque semaine. Et toi, Souhel, quels sont tes loisirs? Souhel. Moi, en été, pendant mon temps libre, je participe à des actions humanitaires pour aider les autres.